Lettre 16e, incluse dans la lettre précédente, Tiridate à Sulpici, Nicomédie, mai 301. Des mers, des pays d'une immense étendue nous séparent, ma Sulpici. Deux mois d'une longueur insupportable ont succédé au temps le plus heureux de ma vie. Ils m'ont paru plus tristes et plus sombres qu'une nuit éternelle. Sans toi, quelle avis ? Loin de toi, à quoi sert l'air que je respire ? Qu'ai-je besoin de parler à ceux qui ne virent jamais ta figure céleste, qui n'ont jamais entendu ta douce voix ? Ah, Sulpici, je ne pense qu'à toi. Je ne vois que le but auquel je tends et que je veux atteindre, oui. La plus ardente, la plus pure des passions doit avoir sa récompense. Dans ce seul espoir, je puise la force nécessaire pour rester ici. Qui pourrait m'empêcher de voler à tes pieds, si le but de mes efforts et de tous mes sacrifices n'était d'obtenir ta main ? Ah, si tu savais avec quelle peine je résiste au désir ardent de retourner à Rome. Quelquefois, j'achèterais de ma vie le bonheur de te voir un instant, et il me semble qu'il ne serait pas trop payé. Dieu, ma Sulpici à moi seul au monde. Tout ce trésor de bonheur m'appartiendra, j'en fais le serment. Aucune puissance, aucun indigne lien, aucune basse jalousie ne m'en privera. Mon bras fera la conquête du trône de mes ancêtres. Mais je ne le veux, ce trône, que pour y placer à mes côtés la femme la plus adorée. Alors, et seulement alors, belle et noble Sulpici, tu seras à ta place. Le ciel t'a formé pour régner sur mon cœur, sur mes sujets, pour faire notre bonheur. Arrivez, moment désiré, moment fortuné, vous méritez seul d'être appelé la vie. Je m'égare, Sulpici, mon sang brûle, mon être entier s'enflamme à l'idée d'un tel bonheur. Me trouver sans cesse auprès de toi, me répéter, elle est à moi. Ces formes enchanteresses, cette voix si mélodieuse, ce cœur si parfait, cet esprit si supérieur, tout m'appartiendra. Sulpici sera mon bien. Oh, mon ami, il me faut interrompre ma lettre jusqu'à ce que je sois plus tranquille. Mais n'éprouverai-je pas toujours le même délire, la même agitation en revenant à toi, en traçant ce nom chéri, en t'adressant mes pensées, en me disant que cette main que j'ai si souvent pressée sur mon cœur, palpitant d'amour, touchera cette feuille, que tes yeux verront les mots que je trace, que tes lèvres peut-être. Dieu, Dieu, accordez-moi Sulpici, ou que je cesse d'exister. Sans elle, la vie ne serait qu'un supplice. J'ai reçu ta lettre. Je vois avec désespoir que tu t'inquiètes et te tourmentes. Ne crains rien, ma Sulpici, ni pour notre amour, ni pour ma vie. J'ai heureusement échappé sur mer à des dangers inouïs. 100 fois, nous avons vu le moment où notre vaisseau, ballotté par les vents, allait se briser contre des rochers menaçants. Mais les dieux veillent sur moi. Le mortel destiné au suprême bonheur ne devait pas être englouti dans les abîmes des ondes. Sois tranquille, aucun dard ennemi ne percera ce cœur où ton image est gravée en traits de feu. Cette conviction sera mon égide. Je puis hardiment défier le sort. Puisque tu m'aimes, rien ne peut détruire mon bonheur. Tu m'aimes, Sulpici. Le destin nous fit naître dans des climats si différents, si éloignés l'un de l'autre, et cependant, ce même destin nous a réunis. Aujourd'hui, nous ne sommes point séparés, car nous parcourons la même route, avec la même espérance, et croisant en mes pressentiments, elle sera réalisée. J'ai dans le César Galerius un ami puissant qui peut lever tous les obstacles en rompant ton mariage avec Serranus. La politique de Dioclétien approuve mes projets. L'armée est de la meilleure volonté. Mes amis ont été très actifs en Arménie, mon peuple même. Il n'a pas oublié le bonheur dont il a joui sous la domination de mes ancêtres et les bienfaits qu'il a reçus d'eux. Le joug des Perses pèse sur lui. Il brûle de le secouer et de se réunir à nos amis. Dis-moi, Sulpici, quels seraient tes motifs de terreur ? Courage, ma tendre amie. Puissent les dieux m'accorder de pouvoir verser dans ton âme une partie de cette assurance qui remplit la mienne, et la force nécessaire pour supporter le seul malheur que nous ayons à craindre, le tourment d'une longue séparation. Agathoclès est aussi lancé dans le tourbillon de la guerre. Dioclétien l'a nommé centurion. Je pense que l'occupation lui sera très salutaire. Le loisir dont il jouissait donnait trop de liberté à son esprit actif. Il a aimé Calpurnie bien plus qu'il ne le croit lui-même. Cependant, d'après l'intime conviction qu'il ne serait pas heureux avec une compagne de ce caractère, il a eu la force de s'en séparer. Mais s'il a éprouvé un violent combat où sa raison a triomphé, il était aidé par le souvenir d'un attachement de sa première jeunesse. Cette ancienne passion, dont il s'est fait un moyen de défense contre les attraits de Calpurnie, s'est renouvelée avec assez de force. Il a fait, pour en retrouver l'objet, de nouvelles mais infructueuses perquisitions. Le zèle avec lequel il poursuit cette chimère et repousse la douce réalité me prouve combien il lui sera utile de se distraire par des occupations forcées. J'aime beaucoup Agathoclès. Je redoute même le moment d'une séparation peu éloignée. Je pars pour me rendre auprès du César Galerius, qui commande le centre. Agathoclès, comme centurion, doit aller joindre Démétrius, qui commande l'aile gauche. Je te supplie, ma tendre et précieuse amie, de te tranquilliser. Éloigne de ton esprit toutes les tristes images qui le tourmentent. Les dieux ne veulent pas séparer nos destinées, puisqu'ils ont uni nos cœurs. Il ne sera pas au pouvoir des hommes d'aller contre leur arrêt. Dans peu de jours, je parlerai à Galerius. Sa volonté toute-puissante détournera l'orage et mon bras, n'en doute pas, saura reconquérir les lieux où le bonheur le plus parfait nous attend. Que cette perspective, cher Sulpici, ranime notre courage. Elle seule peut me donner la force de vivre loin de toi.